L'amour et la folie. Fable 14 du livre 12e des Fables de La Fontaine. Une lecture de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'amour et la folie. Tout est mystère dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point tout expliquer ici. Mon but est seulement de dire, à ma manière, comment l'aveugle que voici, c'est un dieu, comment, dis-je, il perdit la lumière. Quelle suite eut ce mal qui peut-être est un bien? J'en fais juge un amant et ne décide rien. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. Celui-ci n'était pas encore privé des yeux. Une dispute vint. L'amour veut qu'on assemble là-dessus le conseil des dieux. L'autre n'eut pas la patience. Elle lui donne un coup si furieux qu'il en perd la clarté des cieux. Vénus en demande vengeance. Femme et mère, il suffit pour juger de ses cris. Les dieux en furent étourdis, et Jupiter, et Némésis, et les juges d'enfer, enfin toute la bande. Elle représenta l'énormité du cas. Son fils, sans un bâton, ne pouvait faire un pas. Nulle peine n'était pour ce crime assez grande. Le dommage devait aussi être réparé. Quand on eut bien considéré l'intérêt du public et celui de la patrie, le résultat enfin de la suprême cour fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. Fin de L'amour et la folie. Fable 14 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Une lecture de Jean Lambert pour LibriVox.org. Cet enregistrement appartient au domaine public.